Thank you. Thank you. le Behringer D, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il est vraiment pas mal. Ça fait un petit. Ouais, ouais, 10 fois moins cher que l'original. C'est clair. Et ouais, ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à ce son-là, quoi. Moi, je trouve que c'est bien les VST. Moi, j'en avais pris pas mal. J'avais acheté des VST de d'Arturia. J'avais eu des VST aussi avec le clavier que j'avais eu. Bah, celui que je me sers en ce moment, là, le truc de piano et de flûte et tout, c'est bah, le logiciel que j'ai eu avec. Mais je sais pas si c'est. Bah, t'es dépendant de ton ordi, quoi. Enfin, en même temps, enfin, c'est moins mobile, quoi. Enfin, il faut que ton ordi fonctionne. Si ton ordi lâche, c'est toujours embêtant. Enfin, si t'as un gros PC, a priori, il lâchera pas.